Y a quelqu'un? Et si on se donnait rendez-vous comme ça? Ouais, comme ça. On s'est fait dire rendez-vous comme ça dans 10 ans. Même jour, même heure. Même porte. On verra. Et puis, on verra quand on aura 30 ans. Sur les marches, du boulevard d'Europe. Et tu sais, le jour est venu, et puis moi aussi, je suis là. Ouais. Mais je veux pas être le premier, hein. Non. Et si on n'avait plus rien à se dire, imagine. Et si, je devais faire des détours comme ça dans le quartier. Ah ouais, ça craint. Et puis, c'est fou qu'un crépuscule de printemps comme ça nous rappelle que le crépuscule qu'il y avait il y a 10 ans, tu sais. Ouais, c'est clair. Trottoir usé, te rappelles? Par ouais. Le regard blessé. Qu'est-ce que j'ai fait de ces putains d'années? Quel con! J'ai pas flotté tranquillement sur l'eau. Et encore moins loin de là. Même pas su nager, le vent dans le dos. Dernière ligne droite, le boulevard de l'Europe. Boulevard combien de l'Europe. Est-ce qu'on a 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même porte. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches du boulevard de l'Europe. J'avais eu si souvent mais envie d'elle, sais même pas à quel point. Mais tu sais la belle Amandine, celle qui un jour ne regardera jamais. C'est énorme. Et puis Florian, lui qui voulait explorer le subconscient, te rappelle? Quand remonte-t-il à la surface de temps en temps comme ça. Ouais. Et puis j'ai un peu peur de traverser le miroir, Toujours même. Et si j'avais pas, peut-être que je me serais trompé d'un soir. Et puis devant la vitrine du bureau tabac ou du corso ou de la boulangerie ou du kebab, qui sait, j'imaginais au travail de l'amitié. Pourquoi pas Newton? T'as pas changé, mais qu'est-ce que tu deviens? Ouais, c'est clair. Quoi? Tu es fiancé à Samantha et en plus t'as un gamin? T'as réussi alors, donc t'es mécanicien. Waouh, bravo mon frère. Et toi Fabrice? Quoi? Tu te marres toujours pour rien comme ça? On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même porte. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Et puis j'ai connu des marées hautes et puis des marées basses comme vous. Et j'ai rencontré des tempêtes et puis des bourrasques. Comme vous. Et chaque amour morte a une nouvelle à tes places. Et vous. Et toi Mickaël, et toi Kevin, qui ambitionnez simplement d'être heureux comme ça dans la vie, hein? Dites-moi. Et puis, as-tu réussi ton pari? C'est clair. Et toi, Manu? Manu? Et toi, Xavier? Xav? Et toi, Jennifer? Titzer? Et toi, Antonio? Pedro? Et toi, Anthony? Nini? Et toi, Emmanuel? Emma? c'est bien formidable, les copains. Ouais, c'est clair. On s'est tout dit, puis on serre la main comme ça. On ne peut pas mettre 10 ans sur table. Tac! Tac! Comme on étale ses lettres au Scrabble. Ouais, c'est clair. Dans la vitrine, je vois le reflet celle que j'aimais, qui est derrière moi. Et puis si elle part à gauche, Je la suivrai. Ah oui. Et si c'est à droite, les potos, on va faire un foot. Attendez-moi. J'arrive. Attendez-moi. On se rejoint au stade. Ouais. Attendez-moi. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Si on est devenu des grands hommes. Ouais. Des grandes femmes. Des grands hommes. Je pense que oui, on est devenu des grands hommes. Des grands hommes. Fini l'ado. Ouais. Mais bon, ça manque quand même. Hein? Et puis tiens, comme ça. Boulevard d'Europe, si on se donnait rendez-vous comme ça, mais avant 10 ans, s'il vous plaît, quand même. Quand même.